إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث في دراسة كتاب المورد العذب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. وزندخل ثوازيام رونكونتر où nous étudions ce livre de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, hafidhahullah ta'ala, dont le titre est « La source douce et abondante ». Et, Inch'Allah, si jamais, pour les frères qui sont au salon, si jamais le cours de Cheikh Abdel Malik Ramadani reprend, vous nous avertissez qu'on arrête le cours et que tous on s'orientera tous, Inch'Allah, vers le salon du cours de Cheikh Abdel Malik Ramadani. Barakallahu fikoum. فلازلنا في مقدمة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، ووقفنا عند قوله حفظه الله تعالى: ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول وذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهيجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. Il nous sommarite à ce paragraphe où le Cheikh Hafidhahou Allah Ta'ala dit: il sache que le fait de se révolter est de deux sortes. La révolte se fait de deux façons. Une révolte avec la parole, en citant les soi-disant défauts des gouverneurs et des savants dans les mosquées, dans les réunions et dans les assemblées des gens. Et ceci est considéré comme une désobéissance et un appel à la révolte contre les gouverneurs et une invitation à la révolte. Et on est en train, en agissant ainsi, on implante le fait de ne pas faire confiance aux gouverneurs. On appelle les gens à ne plus faire confiance à leurs gouverneurs et à leurs savants. Et on les excite, on les allume pour se révolter. On les allume d'abord avec la parole. Il n'y a pas de révolte sans la parole, sans qu'il y ait des préparations avec la parole. Et sans que les du'as d'Yal Fitan y remplissent les gens avec la haine, avec des paroles et avec des écrits. La base de la révolte, et la base de sortir et de se révolter contre les gouverneurs et contre les savants, commence d'abord avec la parole et avec les écrits. وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزعاق النفس المسلمة البريئة. الله سبحانه وتعالى أفعل illicite par l'intermédiaire de son messager, alayhi salatu wassalam, le fait de se révolter contre les gouverneurs des pays de l'islam. Parce que dans le fait de se révolter contre les gouverneurs, il y a un grand mal. Et on ne peut même pas comptabiliser le mal qui en découle. Et le plus grand des mâles, parmi les plus importants, c'est le fait de faire couler le sang des innocents parmi les musulmans. Et parmi ceux qui ont reçu un pacte par le gouverneur du pays de l'islam, parmi les non-musulmans qui sont venus dans le pays de l'islam. وَمِنْهَا سَفْكُ الدِّمَاءِ الْمَعْصُومَ ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقتل بدلا من بدل الطمأنينة. وهذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بمكان. لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. Aussi fait partie du mal dans la révolte contre le gouverneur, c'est le fait de coller, de faire couler le sang des innocents, comme on a dit, et le sang de ceux qui sont protégés par les lois d'Allah, Azza wa Jal. Et il y a aussi le fait que les honneurs des familles sont transgressés. Il y aura des vols, il y aura des viols, hein, de femmes, hein, de sœurs, de jeunes sœurs, etc., etc. Il y a aussi le fait, le vol qui se propage, le vol des fortunes, hein, parce que ceux qui se sont révoltés, c'est parce qu'ils ont mis ce gouverneur et ceux qui sont sous sa tutelle, mécréants. Donc, pour eux, c'est un butin. Leur femme, c'est un butin. Leur sœur, c'est un butin. Leur fortune est un butin. Donc, grand mal. Hein. Donc, il y a aussi le fait que l'insécurité s'installe à la place de la sécurité. Et il y a aussi le fait que la famine va s'installer. Parce que plus personne va oser sortir chercher sa subsistance. Il aura peur d'être égorgé comme un mouton dans les rues. Hein. Et il y aura la quiétude, la peur à la place de la quiétude. Il y aura la perturbation d'esprit à la place de la quiétude. Et tout ça, c'est le grand mal qui se passe dans ce bas-monde, qu'il crie dans ce bas-monde. La révolte crie ceci dans ce bas-monde. Mais dans l'au-delà, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il réserve à ceux qui étaient la cause de tout ceci, à ceux qui étaient à la base de ces fitnas, à la base de ce grand mal, alhamdoulilah. Car le fait de faire tomber un état et de le remplacer par un autre, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très difficile et qui passe par plein de perturbations et plein de sang qui se coule. C'est pour ça que le législateur, alayhi salatu wassalam, notre prophète, alayhi salatu wassalam, son avertissement était très fort en ce qui concerne la révolte contre le gouverneur. Même s'il est injuste, même s'il est pervers. Et voici quelques textes qui nous ordonnent et qui sont la preuve comme quoi il faut endurer, il faut patienter pour son gouverneur. Et des textes qui nous ordonnent de ne pas se révolter contre son gouverneur. Et qui nous interdisent de parler au mal de son gouverneur. Voilà qu'il m'a d'aturid. Ashabu hadi al-manahij. Fi mashariq al-ard wa magharibiha. لا يحلو لهم كلام إلا إذا تكلموا في ولاة أمور المسلمين وفي علمائهم، خاصة علماء السعودية وحكام السعودية، وعامة في ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى التبليغيون، هذا أميرهم في فرنسا في مسجد من مساجد جنوب فرنسا قرب مدينة فينيون، يقول: أين العلماء؟ إنهم مثخمون بالدجاج المحمر ولا يبالون بقضاياكم. هكذا في جمع كبير من المسلمين. وكم تسمعون العلماء في القصور ولا يهتمون بكم ولا يعرفون حالكم. وهذا سمعتموه هنا عندكم في مدينة بروكسل. Tu ne trouves pas un Ikhwani ou un Tkfiri ou un Qutbi ou un Sururi à l'est de la terre, à l'ouest, au nord, au sud, de partout de la planète, tous parlent des gouverneurs du pays de l'islam. Tous dénigrent les gouverneurs du pays de l'islam. Tous dénigrent les savants de cette communauté, en particulier les savants et les gouverneurs de l'Arabie Saoudite, et en général tous les gouverneurs et tous les savants du pays de l'islam. Même les tablighis sont arrivés à ce point-là. Et ils se disent, non, on ne s'occupe de rien. Écoutez maintenant, leur émir en France, dans une grande mosquée cet été, l'été dernier, dans une grande mosquée dans le sud de la France, dans la région d'Avignon, il dit, où sont les savants? Les savants sont rassasiés de poulet rôti. Ils connaissent rien de votre situation, ils s'occupent même pas de vos problèmes. Ainsi, devant une grande assemblée de gens. Et si vous avez entendu ici à Bruxelles, les savants sont dans leur palais, ils connaissent rien de votre réalité ni de vos problèmes. Ça, c'est un khourouj sur les ondes de science. Hein? Et c'est installer la haine dans le cœur des gens sur les ondes de science. Pourquoi? Pour ne plus se tourner vers les ondes de science. Et pour se tourner vers cette tête d'El Fitna. فتذكروا إخوة الإسلام ما وقع في الجزائر وما يقع بين الحين والآخر في الجزائر وفي غيرها. وعليكم بقراءة كتاب الشيخ عبد الملك رمضاني مدارك النظر في السياسة الشرعية لكي تعلموا أسباب ما وقع في الجزائر. وعليكم بقراءة كتابه هذا تخليص العباد من وحشية أبي القتاد لكي تعلموا ماذا ضلال هؤلاء الذين يفتون بإباحة الدماء واستحلال دماء المسلمين وأموال المسلمين. فخيرون الله عز وجل غابليفو اسكي سي باسي اون الجيري اسكي سي باسي اون الجيري بار مومون Et ce qui se passe ici, là et un petit peu partout. Le fait d'assassiner, de mettre des bombes par-ci et par-là et de tuer des innocents. Et si vous voulez savoir la cause de tout ça, lisez le livre de Cheikh Abdel Malik Ramadani, Madarik al-Nazar fi Siyasa Shar'iyya. Il vous montre les causes du bain de sang qu'il y a eu en Algérie pendant plus de 20 ans. Et lisez l'autre livre. تخلص العباد débarrasser les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de la barbarie d'Abou al-Qatad. Et là vous allez comprendre les fatwas qu'a émis cet homme et d'autres comme lui qui sont sur le même chemin que lui pour faire couler, pour rendre licite le fait de couler le sang des musulmans et de voler leurs biens et de violer leurs femmes, etc. ففي صحيح مسلم يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ففي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أي لقي الله ولا حجة له يوم القيامة لا عذر له فيما فعل لا عذر له ينفعه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فيما فعل ولا دليل عنده. فهذا عبد الله بن مطيع قائد الجيش بالمدينة الذي خرج على يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية لما بويع بالخلافة بعهد من أبيه أهل المدينة لم يبايعوه ولم يرضوا به ولم يرضوا به خليفة وخرجوا عليه فجهز لهم يزيد جيشا من الشام واستعدوهم كذلك للقتال بتكوين جيش وأمروا عليهم عبد الله بن مطيع وابن عمر ك كان قد بايع يزيدا وجاء ينصح عبد الله بن مطيع أن يترك الخروج على يزيد، فإن ياسين ومن على شكيلة ياسين ودعوته للجيش المغربي أن يكون معه يوم القومة. أين هؤلاء من موقف هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ لماذا ذهب عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع؟ ذهب لنصيحته أن ينصحه بعدم الخروج على يزيد، لأن هذا الخروج فيه مفسدة عظيمة وشر كبير، ورسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخروج، ولكنهم ما استجابوا لنصيحته ووقعت الفتنة العظيمة واستبيحت المدينة وقتل خيار الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ حفظه الله تعالى a commencé à nous citer des textes qui interdisent, qui ordonnent le fait de billet au gouverneur et qui interdisent le fait de se révolter contre le gouverneur. Il nous cite un hadith dans l'authentique du muslim de Nafi' qui a dit qu'Abdullah ibn Omar, Nafi' était évidemment le serviteur d'Abdullah ibn Omar, était au service d'Abdullah ibn Omar. Donc il dit que Nafi' a dit qu'Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, est venu à Abdullah ibn Muti' quand il y a eu la situation, la grande fitna de Médine, à l'époque du Yazid, Yazid le fils de Muawiyah. Et Abdullah ibn Muti' a dit, étalé un tapis pour Abdullah ibn Omar, pour Abi Abdurrahman. Abdullah ibn Omar lui a dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu pour t'annoncer un hadith que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui désobéit à son gouverneur, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il n'aura aucune preuve. Ça veut dire que rien ne va lui servir une fois qu'il désobéit à son gouverneur et qu'il sort de l'obéissance à son gouverneur, le jour de la résurrection, s'il meurt sur ceci, le jour de la résurrection, il retrouvera Allah Azza wa Jal, et ce qu'il aura fait ne lui sera pas bénéfique pour lui, ce sera contre lui. Et il dit, celui, Abdullah ibn Omar continue de lui dire, ce hadith du prophète qui dit, et celui qui meurt et il ne voit pas qu'il a une allégeance sur lui, à son gouverneur, il meurt comme la mort des Jahiliyin. Les Jahiliyin qui mouraient avant l'arrivée de l'islam, ils mouraient sur quoi? Ils n'avaient pas d'imam, ils n'avaient pas de religion. Mitat al-Jahiliya. Mitat al-Jahiliya, c'est quoi? La mort des Jahiliyya, c'est quoi? C'est le fait. Les Jahiliyin n'avaient pas d'imam, n'avaient pas de religion, n'avaient pas d'allégeance. Et celui qui voit qu'il n'a pas d'allégeance sur lui à son gouverneur, ben il meurt cette mort-là. Abdullah ibn Muti', pour nous remettre dans l'histoire, c'est le commandant de cette armée qui s'est constituée à Médine et qui s'est révolté contre Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah, son père, a écrit comme quoi Muawiyah prendrait la khilafa derrière lui. Muawiyah écrit comme quoi, fait un testament comme quoi, et quelque chose d'écrit pour le conseil comme quoi c'est Yazid qu'il faut prendre comme khalifa après ma mort. Les gens de Médine ne lui ont pas fait l'allégeance, ils ne l'ont pas accepté. Ils se sont révoltés contre lui. Et lui, il a armé une armée du Cham, du nord de l'Arabie. Et eux aussi se sont préparés à le combattre avec une armée. Ils ont mis à leur tête, comme émir et comme commandant, Abdullah ibn Muti'. Abdullah ibn Omar, quand il est allé voir Abdullah ibn Muti', c'est pour le conseiller de ne pas se révolter contre eux. Yazid ibn Muawiyah radiyallahu ta'ala an Muawiyah wa an sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an ibn Omar. Il a été le voir pour lui dire, ne te révolte pas contre lui. Maintenant, je veux que tu prennes cette position d'Abdullah ibn Omar et tu la claques sur la position du Yassine, hein, le chef du groupe Yassinite, là, de ceux qui se disent l'Adl wal Ihsan, ils ont ni Adl ni Ihsan. Mais quand dans ses écrits, Yassine, il demande à l'armée marocaine d'être avec lui le jour de la révolte. Regardez Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit à celui qui a une armée et qui est le commandant d'une armée? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne te révolte pas contre le khalifa. Hada, qu'est-ce qu'il dit à l'armée qui est sous la tutelle et sous le gouvernorat d'un gouverneur? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, soyez avec nous le jour de la révolte. Regardez la différence. Un qui veut préserver les gens de la fitna, qui est Abdullah ibn Omar, qui veut préserver la communauté de la fitna, et un qui appelle à la propagation de la fitna dans la communauté. Hein? Et appelle les gens à désobéir à leur gouverneur. Hein? Vous voyez un petit peu la différence. Il est énorme. Quand Abdullah ibn Omar est arrivé chez Abdullah ibn Muti', Abdullah ibn Muti', il voulait l'honorer. Il lui a dit, je suis venu pour te conseiller, pour... il ne faut pas que tu sortes, il ne faut pas que tu te révoltes. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Pourquoi il l'a fait? Abdullah ibn Muti' n'a pas répondu à l'appel et au conseil de Abdullah ibn Omar. Et la fitna est arrivée, une énorme fitna dans la ville de Médine. Les meilleurs parmi les gens ont été tués pendant cette fitna. Hein? Et Abdullah ibn Omar est allé pour le conseil. Il ne s'est pas levé sur un membre devant une assemblée. Il est allé chez lui. Hein? Il est allé chez lui. قال ابن العربي ابن العربي المالكي من أئمة المالكية pas ابن عربي لا ابن العربي avec الألم الألف واللام المعرف العربي المعرف هذا إمام من أئمة المالكية أما ابن العربي النكرة فهذا زنديق من الزنادق حكم عليه أئمة الدين بالكفر إنه يعتقد عقيدة الحلول ها؟ قال ابن العربي المالك وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها وإن يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله أخرجه إمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام وذكره أحمد البنا السعاتي المحدد رحمه الله تعالى في الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه ها؟ قال الحافظ في الفتح رحمة الله على أئمة المسلمين وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق الله أكبر أين هؤلاء الفتانون من موقف هؤلاء الأئمة ومن موقف عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر جمع أولاده ومن تحت ولايته فقال لهم إن علمت أن أحدا خلع يزيد فهذه الفيصل بن براءة يتبرأ منه لما يعلم ما في خلع الأمير وما في الخروج على الأمير من فساد عظيم. فهذا موقف أئمتنا وعليكم السلام، وموقف أولئكم الأخيار الذي جعل الله سبحانه وتعالى الطريقة هو طريقهم، ألا وهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الفهم فهمهم، والعقيدة عقيدتهم، والمنهج منهجهم، والعبادة على ما كانوا عليه. Maintenant voici une parole de Ibn al-Arabi avec Ibn al-Arabi avec l'article défini. Pas Ibn al-Arabi l'indéfini qui n'a pas d'article. Hada Ibn al-Arabi avec l'article défini, c'est un des imams parmi les imams de l'Malikiya. Quant à Ibn al-Arabi à l'indéfini, la son Alif ou Lam, celui-là c'est un zindiq parmi Zanadika et les hommes de science ont décrié sa mécréance parce qu'ils voyaient le fait, l'unicité de l'existence, que la créature et Allah sont la même chose. Il faut faire la différence. Al-Arabi, ça c'est l'un des imams d'Yel Malikiya. Ibn Arabi, c'est un zindiq parmi Zanadika d'Yel, les extrémistes d'Yel Sofia. يقول ابن العربي ابن العربي يدير رحمة الله عليه وقد قال ابن الخياط ابن الخياط دي لالليجونس دو عبد الله pour يزيد a été par force ou la contraint à faire l'allégeance. Et regardez qui est mieux, عبد الله بن عمر ou لا يزيد. Il est évident qu'عبد الله بن عمر il est au-dessus de Yazid. Abdullah ibn Omar est un compagnon, fils d'un grand compagnon. Et certes, Yazid, c'est le fils d'un compagnon aussi. Mais Abdullah ibn Omar a vu, de par sa religion et de par la compréhension saine et les orientations de son prophète, alayhi salatu salam, qu'il faut se soumettre à la SEA, alors d'Allah azza wa jal, et qu'il faut s'éloigner des perturbations. Car dans les perturbations, il y a un grand mal. Il y a le fait que les fortunes vont être dilapidées, les honneurs vont être transgressés, il va y avoir des morts. Hein? Et le fait de se révolter contre Yazid, ou d'enlever Yazid, si on y arrive, ça ne va pas arriver comme ça facilement. Ça va arriver après un bain de sang et après un grand mal. Et on ne sait même pas si on y arrivera ou là on n'y arriverait pas. Et ça, c'est un point essentiel, c'est un fondement très important. Il faut le comprendre. On évite le grand mal. Hein? Éviter le grand mal. Hein? Et ça, il faut le comprendre et se cramponner à cette compréhension. Abdullah ibn Omar et cette position qu'il a pris Abdullah ibn Omar, et on sera dans le bien dans ces cas-là. Cet attar a été rapporté par l'imam Shatibi dans Kitab al-Atisam. Il a été cité aussi par Ahmed al-Banna, le père de Hassan al-Banna. Mais Ahmed al-Banna, c'était un grand homme du hadith. Il a fait l'interprétation de l'Musnad de l'imam Ahmed. Notamment, cette parole, il la rapporte dans l'interprétation qu'il a fait à Musnad de l'imam Ahmed. Il Bukhari de nous rapporter que Nafi', le serviteur d'Abdullah ibn Omar, dit quand les gens de Médine se sont révoltés contre Yazid ibn Muawiyah, Abdullah ibn Omar, écoute la position maintenant. Abdullah ibn Omar a réuni ceux qui sont sous sa tutelle et ceux qui sont à son service. Il leur a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu salam, il a dit, à tout homme qui trahit le jour de la résurrection, il y aura un grand étendard, un grand drapeau, le jour de la résurrection. Et il a dit, nous avons fait allégeance à cet homme, c'est-à-dire à Yazid. Nous lui avons fait l'allégeance, hein, pour Allah, et selon la sunna de son prophète, alayhi salatu salam. Et je ne connais pas une grande trahison que le fait de faire allégeance à quelqu'un, et de se révolter contre lui et de le combattre. Et il dit, si je sais que quelqu'un parmi vous s'est révolté contre cet homme, ou là il ne voit pas qu'il a à son cou l'allégeance vis-à-vis de cet homme, c'est la séparation entre moi et lui. Il désavoue ses enfants et ceux qui sont sous sa tutelle et ses serviteurs si jamais ils se révoltaient ou là ils ne voyaient plus l'allégeance à Yazid. Regardez cette compréhension de ces hommes que Allah subhanahu wa ta'ala fait que la compréhension, c'est leur compréhension. Que les croyants, ce sont les croyants sur lesquels ils sont. Et que la voie sur laquelle il faut être, c'est leur voie. Regardez. Comparez cela à Aboul Qatad, ou la Yassine, ou la autre. Ou la Sid Qutb, ou la Sourour, ou la Al-Mas'ari. Comparez cela à cela. Le fossé est énorme. Entre des gens qui veulent préserver la communauté et préserver le sang des innocents et ceux qui veulent envoyer la communauté à un bain de sang et déchirer la communauté. Le Hafiz, dans le Fath, il a dit ce hadith prouve l'obligation qu'il faut obéir au gouverneur pour laquelle il y a eu une allégeance. Et qu'il est interdit de se révolter contre lui, même s'il est injuste dans ses jugements. Et qu'un gouverneur, on ne se révolte pas contre lui parce qu'il est tombé dans la perversité. Ou qu'il a fait des actes qui sont contraires à des actes de désobéissance à Allah, Azza wa Jalla ou autre. Ce point est essentiel. Il faut l'apprendre. Il faut le maîtriser. Il faut bien le comprendre. Pour ne pas tomber dans les ambiguïtés qu'on propage de Had Yal Fitna. Fa'adam l'istijaba les sunna. Wa adam sama' li nushi l'ulama. Al-nasihin al-rabbaniyin. Ya'ti bil adha'im. Adam. Amal bil hajj. Wa shi'atuhu bil jazair. Wa adam mubalatuhum bima. Qalahu ahlul ilm al-rabbaniyin. Amtal Sheikh Nasr. وامثال الشيخ ابن باز وابن عتيمين فجر الويلات على اخواننا في الجزائر كفعل عبد الله بن مطع عدم استجابته للسنه وعدم استجابته لنصيحه عبد الله بن عمر ماذا وقع استباحه المدينه وسفك دماء الابرياء والاخيار من هذه الامه ici un point très important. Le fait de ne pas mettre en application la sunna, le fait de ne pas entendre le message et le conseil des hommes de science qui veulent le bien à la communauté, ceci ramène les grandes catastrophes. Rappelez-vous, quand Bilhaj et ses compagnons et ceux qui sont sur la même voie que lui n'ont pas répondu, ils n'ont pas mis en application les conseils d'El Cheikh Nasser et Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh. Qu'est-ce qui est arrivé? Le bain de sang dans lequel s'est trouvée la communauté en Algérie. Parce que le fait de ne pas mettre en application la sunna, de ne pas écouter ceux qui conseillent la communauté parmi les grands hommes de science, ceci ne ramène que des catastrophes à la communauté. Très important. Ce point, regardez Abdullah ibn Muntah. Il n'a pas répondu à l'appel, il n'a pas mis en application le conseil d'Abdullah ibn Omar. Qu'est-ce qu'il y a eu? Beaucoup parmi les gens de bien de Médine ont été assassinés, tués. Il y a eu beaucoup de mal. Et beaucoup de sang qui a coulé pour rien. La même chose. Chaque fois qu'on désobéit à la sunna, et qu'on met de côté la sunna, et que la sunna part à l'est et nous on part à l'ouest, la catastrophe arrive. Et chaque fois qu'on délaisse la parole des grands hommes de science et leurs conseils, on tombe dans les catastrophes. Ceci est très important. Il faut le gober. C'est un fondement. C'est un fondement. Il faut le gober. Il faut le digérer pour ne plus être perturbé par les ambiguïtés de Sifat Tanin. وعند عباس ويقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى وعند عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ابن عباس لنديغ رضي الله تعالى عنه وارضاه دو الحديث rapporté par Imam Muslim, الحديث il est authentique. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand quelqu'un parmi vous déteste quelque chose, c'est son gouverneur, qu'il patiente, qu'il endure. Car tout un chacun qui se révolte contre eux, son gouverneur, hein, et qu'il meurt, il mourra dans ces cas-là. Et qu'il meurt sur ces situations, dans ces cas-là, il va mourir. L'amour dit al-jahiliya. L'amour dit al-jahiliya. Jahiliya, ils sont morts comment? Ils sont morts sans religion, sans allégeance. Alors, ils n'avaient pas d'imam, donc ils n'avaient pas d'allégeance. C'est un avertissement sévère. L'avertissement, il ne vient pas de n'importe qui. Il vient de celui dont les paroles sont une révélation min Allah Azza wa Jal. Muhammadun alayhi salatu wassalam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لدي عهد عهده فليس مني ولست منه. صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دون ستي حديث والبروفيت عليه الصلاة والسلام كي رابورتي بار الإمام مسلم والبروفيت عليه الصلاة والسلام دير celui qui désobéit, qui sort de l'obéissance de son gouverneur et qui sort du groupe et qu'il meurt sur cette situation, il meurt une mort d'El Jahiliya. Maintenant, vous savez ce que c'est que la mort d'El Jahiliya. Hein? Et celui qui combat un combat par sectarisme à sa race ou là, au principe de son groupe, etc., et qu'il se fâche pour le groupe et pour les principes du groupe, etc., et il appelle à ce sectarisme, ou il fait triompher le sectarisme, et qu'il meurt sur cette situation, il meurt une mort d'El Jahili. Il y a la même chose. L'aïdan billah. Et celui qui se révolte, Rasulullah nous dit, et celui qui se révolte contre ma communauté, et qu'il tue les pervers, et ceux qui, et les adorateurs, etc., et ceux qui sont dévoués pour Allah, Azza wa Jal, hein, et qu'il ne laisse sur son chemin, son opique la tête, hein, aux croyants, et il ne respecte pas le pacte à ceux qui ne sont pas musulmans, qui ont rentré dans un pays avec un pacte, ben celui-là, il fait pas partie, il n'est pas sur le même chemin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas sur le même chemin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on n'est pas sur le même chemin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas sur la même voie, ceci est très dangereux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre ceci. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah nous a avertis. Hein? Cette citation nous dit qu'il fasse très attention. Ceux qui divergent d'un des ordres du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, un ordre, qu'il ne leur arrive pas le fitna. Quand on a demandé à l'imam Ahmed, c'est quoi le fitna, il a dit l'associationnisme. Peut-être qu'il va rejeter des paroles du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à tomber dans l'associationnisme. Et qu'il ne lui arrive pas le grand châtiment. Hein? Au fi sahih muslim aydan, عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن لتنتك دو مسلم أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه ديجي ونتون دي حذيفة بن اليمان كالله سبحانه وتعالى غري dire. Les gens à l'époque du prophète alayhi salam posaient des questions au prophète alayhi salam sur le bien, sur les œuvres de bien, etc. Et moi, je posais au prophète alayhi salam des questions sur le mal, pour ne pas tomber dans le mal, hein? Pour connaître le mal et pour ne pas y tomber. Et j'ai dit au prophète d'Allah, nous étions dans le jahiliya, dans le paganisme, et dans le mal, Allah subhanahu wa ta'ala nous ramenait ce bien, c'est-à-dire l'islam. Il envoie de Muhammad alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'après ce bien, il y a un mal? Il lui a dit, certes, oui. Et il y aura un mal après ce bien. Je lui dis, ya Rasulallah, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit, certes, oui. Mais dans ce bien, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Et après, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et je lui dis, c'est-à-dire, Hudayfa ibn al-Yaman lui a dit, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui. Mais dans ce bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui dis, ah Rasulallah, c'est quoi cette chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui altère ce mal, ce bien, c'est quoi? Il a dit des gens qui vont prendre d'autres voies que, qui n'est pas la mienne, qui ne seront pas sur la même sunna sur laquelle était le prophète, alayhi salam. Hein? Et tu connais des choses et tu ne vas pas reconnaître d'autres choses. Il y a des choses que tu vas reconnaître qui font partie de ma sunna et d'autres choses que tu vas blâmer parce qu'ils ne font pas partie de ma sunna. Et Hudayfa lui a dit, radiyallahu ta'ala, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il lui a dit oui. Et c'est là. Il lui a dit, des prêcheurs seraient les portes de l'enfer. Celui qui leur répond, il le jette dedans. Des prêcheurs seraient les portes de l'enfer. Celui qui leur répond, il le jette dedans. Et je lui dis, oh Rasulallah, décris-les-nous. Regardez cette clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses compagnons. Il demande des détails pour que nous, on ait des repères. Décris-les-nous. Et il a dit, ce sont des gens qui font partie de la même race que nous. Ils parlent notre langue. Ils parlent notre langue. Et je lui dis, ah Rasulallah, si je vis jusqu'à cette époque, qu'est-ce que je fais? Ah là, tu restes avec le groupe des musulmans et avec leur gouverneur. Le groupe des musulmans et avec leur gouverneur. Tu restes sous la tutelle de ton gouverneur et avec le groupe qui est avec ce gouverneur. Il dit, s'ils n'ont pas de groupe et pas de gouverneur, il dit, dans ces cas-là, tu t'éloignes de tous ces groupes. Même si tu vas mordre sur un arbre, sur la racine d'un arbre, jusqu'à ce que la mort vienne, jusqu'à ce que ton terme arrive, et que tu restes sur ces situations-là. Tous ces groupes de légumes, tu t'éloignes d'eux. Du moment qu'ils n'ont pas de, gros, de gouverneur, du moment qu'il y a un gouverneur, il y a un groupe, tu restes avec. Et s'il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de groupe, bah, tu t'éloignes de tous ces groupes. وفي رواية أبي سلام عنده أي عند الإمام مسلم قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع خرجه الإمام مسلم dans une autre version d'Abu Salam d'Abi Salam c'est toujours l'imam musulman, il a dit, il est authentique. Il dit, Hudayfa qui parle. Il dit, ya Rasulallah, nous étions dans un mal et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien. Ils étaient dans le paganisme, il y a eu l'islam, il y a eu une voix de Mohammed alayhi salatu salam qui est un grand bien. Ils nous sont dans ce bien. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Rasulallah a dit oui. Il dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui. Il dit, et il lui a dit, comment il va être ce mal? Il a dit, après moi, il va y avoir 10 imams qui ne prendront pas la même sunna que moi, qui ne seront pas sur la même voie que moi. Et parmi eux, il va y avoir des gens dont les cœurs, ce sont des cœurs d'Al-Shayatin, des corps humains, mais des cœurs d'Al-Shayatin. Ainsi a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, comment je fais dans ces cas-là, ya Rasulallah, si je vis à cette époque? Il lui a dit, tu écoutes et tu obéis à ton gouverneur, même s'il te frappe, et même s'il prend ta fortune, tu obéis et tu écoutes et tu obéis. Ça, c'est les ordres du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les ordres de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme clémence à l'humanité. Il n'a pas laissé un bien sans l'avoir montré à cette communauté. Et sans avoir montré le chemin qui amène à ce bien. Il n'a pas laissé un mal sans avoir averti la communauté contre ce mal et contre les voies qui vont amener à ce mal. Écoute et oublie. Un fondement, ya akhal islam. Apprends tes fondements de la sunna de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas des principes fondamentaux des groupes. وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان والهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء ولكن المراد هنا الفتن والأمور المحدثات. Et dans l'authentique de Muslim, Arfajata radiallahu ta'ala nous dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, il va y avoir des choses et des choses. Mais ici, ce qu'il voulait avec les hanat, des perturbations et des perturbations et des choses innovées. Et il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui veut diviser cette communauté alors qu'ils sont réunis sur une base, et autour d'un gouverneur, faut lui trancher la tête. N'importe qui qu'il soit. Parce que celui-là, pourquoi le Rasulallah a aimé cette sentence? Parce que celui-là, il va amener le mal à la communauté. وفي رواية عنه. فبالله عليكم الآن، أين دعاة الفتن من إخوان وقطبيين وسروريين وطلائعيين وياسينيين من هذه الأحاديث؟ وإن الشباب من هذه الأحاديث أعمى الله قلوبهم وأبصارهم. Maintenant, regardez ces hadiths qui viennent de passer. Maintenant, ces groupes et leurs du'ats qui appellent vers les perturbations et vers les catastrophes. Où ils mettent ces hadiths? Les ikhwan, les qutbites, les sororites, les yassinites, les tala'istes. Et vas-y, t'as la liste est longue. Hein? Où sont-ils? Où ils mettent ce hadith? Où sont les jeunes maintenant de ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que leurs cœurs ont été aveuglés? نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وفي رواية عنه أي عن عرفجة رضي الله عنه: من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. Dans une autre version, l'imam muslim aussi, du même sahabi عرفجة رضي الله عنه, et quand quelqu'un arrive alors que votre situation est unie autour d'un gouverneur, hein, vous êtes unis autour d'un homme, et il veut vous diviser et vous couper en deux et diviser votre, hein, jamais il faut le combattre. Parce que là, la même chose, il amène le mal. وعن أم سلمة وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. توتنتك دو مسلم أبو سعيد الخدري دو نديك الرسول صلى الله عليه وسلم دي كنت أنا في الليجانس أن غوفرنور إسي أن دوزيام سي في أن الليجانس بار دي جون سولي لا يلفو لي كوبي لا تيت. C'est un mal, il est venu. Les gens sont déjà autour d'un gouverneur. Qu'est-ce que tu viens chercher, Nta? Tu viens chercher la scission. Tu viens chercher les problèmes. Tu viens chercher à couper cette communauté, à faire en sorte que cette communauté lève les armes les uns contre les autres. Donc, Rasoul Salah, je me dis, il faut. Hein? Wa an ummi salamata radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, satakounu umara. فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وفي روايه فمن انكر برئ ومن كره فقد سلم. اي ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاه دونك كي رابورتي بار امام مسلم دي Rasoul Salah Asim a dit, il va y avoir des gouverneurs. Et vous allez reconnaître des choses, ces gouverneurs, vous allez désavouer certaines choses, ne pas reconnaître des choses. Vous allez, des choses sont blâmables, vous allez, il y a du bien, il y a du mal. Vous allez, il y a des choses qui sont très mal, que vous allez, hein, que vous n'aimez pas. Il dit, celui qui reconnaît, il est, c'est-à-dire qui reconnaît le Munkar, qu'il l'a reconnu, ben celui-là, il est innocenté. Et celui qui le blâme, celui-là, il est épargné aussi. Mais celui qui est dans le blâme, c'est celui qui accepte ce mal et qui suit sur ce mal. C'est-à-dire, s'il est savant, hein, sont sous la tutelle de quelqu'un, ok, il voit, il fait du bien. Ils reconnaissent le mal qu'il fait. Ils connaissent le mal qu'il fait. Rasoul Salah Asim a dit, celui qui reconnaît ce mal, bah, il est innocenté. Et celui qui le blâme, et on verra comment le blâme il se fait, celui-là, il est épargné aussi. Salima. Mais celui qui va être blâmé et jugé pour ce qu'il a fait, c'est celui qui a agréé ce mal. Et qui suit sur le mal, qui suit sur le chemin du mal. Et les compagnons ont dit, est-ce qu'on ne prend pas les armes contre ces gouverneurs-là qui sont ainsi? Il a dit, non, non, tant qu'ils prient, vous ne prenez pas les armes. Dans une autre version, celui qui ne reconnaît pas le mal, qui dit à vous le mal, celui-là, il est innocenté. Et celui qui déteste le mal qu'il voit, même s'il le déteste avec son cœur, lui aussi, il est épargné. فالرسول صلى الله عليه وسلم دون سو حديث قسم الناس ثلاثة أقسام. قسم أنكر هذا سلم، وقسم عرف المنكر وكرهه وهذا أيضا برئ، وقسم وهذا هو السيء رضي بالمنكر وتابع عليه وأباحه، هذا هو الهالك لقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن من رضي وتابع. Donc dans ce hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens en trois. Il a dit le premier, quelqu'un qui a vu le mal et qui le blâme. Et qui oriente vers le bien. Celui-là, il est épargné. Salim. Et le deuxième catégorie, il a connu le mal, il l'a détesté avec son cœur. Tout simplement détesté avec son... Celui-là, il est innocenté aussi. Et le troisième catégorie, ceux-là, ce sont les mauvais. C'est ceux qui ont vu le mal, l'ont agréé, ils l'ont suivi. Et ils l'ont autorisé. C'est ceux-là qui vont vers leur perte. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf ceux qui ont agréé, qui ont suivi. Radiya wa taba. L'an, l'alim. أو الداعي الذي ينكر بقلبه لكن لم يذهب للولات لخوفه هذا لا شيء عليه لا تتريب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عرف برئ وهؤلاء الحركيون أبوا إلا العكس أبوا عكس مفهوم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم أن الشخص إذا رأى المنكر وسكت عليه فهو شيطان أخرس وهذا ليس بصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه البراءة لأنه أنكر بقلبه وأنت من أنت حتى تنزع منه هذه البراءة أعطاه البراءة أنكر بقلبه لأنه يخاف على نفسه والهلكة والتثريب على من رضي وتابع في هذه المنكرات. Donc maintenant un savant ou un prêcheur qui voit un mal et qui le blâme tout simplement avec son cœur, il n'est pas allé voir les gouverneurs. Il n'y a aucun blâme pour lui. Il a vu le mal, il a peur pour lui. Il a blâmé avec son cœur et puis c'est tout. Il n'y a aucun mal pour lui. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui reconnaît et qui dit à vous. Il l'a innocenté. Il dit celui qui reconnaît le mal et qui dit à vous ce mal. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a innocenté le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces activistes, parmi les Ikhwal, Qutbin, Sururin et autres, ils ne veulent pas ça. Ils veulent le contraire de ce qu'a enseigné le prophète alayhi salam. Et le contraire de la définition du prophète alayhi salam. Et ils disent, quand l'être voit un mal, il se tait, c'est un shaitan muet. A'oudou billah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ne sentait pas ce qu'il a blâmé avec son cœur. Qui tu es toi pour dire que c'est un shaitan akhras. Ou pour le blâmer. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a innocenté. Ceci n'est pas vrai, cette prétention qu'il prétend. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à celui qui a blâmé avec son cœur l'innocence. Il l'a innocenté. Parce qu'il avait peur pour lui ou là pour des raisons X, peu importe. Mais il blâme avec son cœur. Mais la perdition, il est pour qui? Le blâme, il est pour qui? Pour celui qui agrée le mal qu'il voit et qui suit sur ce mal. Et qui suit le mal qu'il voit. Hada, c'est lui qui reçoit le blâme. Hada, c'est lui, s'il meurt sur cette situation, c'est lui qui va avoir des problèmes devant Allah Azza wa Jalla. Ou man taraka tariqa al-rusul. هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك طريقة الرسل فمصيره إلى الهلاك. وتسمع أنت من الصوفية بأن لهم طرقا إلى الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أش تقولوا أنتم في هذا الكلام؟ كان شي طريق أخرى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ولا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نواقض الإسلام قال: من وسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، قل فمن فعل ذلك وقال لي أن أخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر عن شريعة موسى كفر بالإجماع، لأن موسى أرسل إلى بني إسرائيل ولا يجب على الخضر أن يتبعه. موسى لم يرسل للناس عامة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة، فمن لم يتبعه فإنه كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله إن مات على ذلك. فما يسع أحدا من الناس أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. فلو كان الخضر حيا، لو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. وهذا من أدلة أن الخضر ميت وليس بحي، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. دونك maintenant celui qui délaisse la voie du prophète عليه الصلاة والسلام sa fin c'est quoi? C'est la perdition. Et toi tu entends parmi Sophia qu'ils ont d'autres chemins qui amènent vers Allah عز وجل en dehors des chemins du prophète عليه الصلاة والسلام. Tu crois ça, Anta? Hein? Enfin, ces paroles sont très dangereuses. Cheikh l'Islam, Mohamed bin Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, dit donc les annulations, les points qui annulent l'islam, nawaqid l'islam, celui qui dit qu'il peut sortir de la législation de Mohamed alayhi sallallahu alayhi sallam, comme le khadir n'était pas soumis à la législation de Moussa alayhi sallallahu alayhi sallam, celui qui dit que j'ai le droit et qu'il m'est permis de sortir de la législation de Mohamed alayhi sallallahu alayhi sallam comme Moussa ne s'est pas soumis à la législation, comme le Khadr ne s'est pas soumis à la législation de Moussa alayhi sallallahu alayhi sallam, celui-là il a mécru, avec le consensus des hommes de science. Car Moussa, il n'a pas été envoyé à l'humanité entière, il était envoyé juste à Banu Israël. Hein? Et il n'était pas obligatoire al-Khadr de le suivre. Moussa n'a pas été envoyé à l'humanité entière, mais Mohammed a.s. est envoyé à l'humanité entière. Et celui qui ne le suit pas, il a mécru. Et il sera, s'il meurt sur cette situation-là, en n'ayant pas cru en Mohammed a.s., mais il sera au fin fond de l'enfer, dans l'éternité du fin fond de l'enfer. Il n'est pas permis à quelqu'un de sortir de la législation de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Abadan. Et si le Khadr était vivant, il serait venu au prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il aurait suivi Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Et ça, c'est une des preuves comme quoi le Khadr est mort et qu'il n'est pas vivant. Et ça, c'est la parole des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Moi, le Khadr est mort, il n'est pas vivant. من يزعم أن الخاضر يخرج معهم في الجوالات، كان بعضهم في ومن الكبار في نواحي باريس في ليل دو لا ريونيون تما، فحكى لبعض إخواننا هذا كان معهم في زمان، فحكى له أنهم عندما كانوا في ليل دو لا ريونيون خرج الخاضر في الجولة معهم. أنا أريد أن أسأل، بماذا عرفت الخاضر أنه الخاضر؟ هذه حماقة. خرج الخضر معهم. يلا انت. وقول أهل السنة والجماعة في الخضر أنه توفي رحمة الله عليه. ها؟ Donc, nous certains font propager comme quoi le Khadr est vivant. Un grand parmi Jamaat Tabligh sont partis dans l'île de la Réunion. Il a rencontré un de nos frères qui était avec eux à une certaine époque, qui a immigré en Algérie maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala. lui ouvre les portes de Bia. Et il lui a dit, quand nous étions à l'île de la Réunion, le Khadr est sorti faire une jaoula avec nous, aller voir les gens pour les inviter à la mosquée. Subhanallah, comment tu as reconnu une telle Khadr? Hein? ومعنى هذا أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الله بعقله لأن العقول قاصرة لا تعرف مصالحها الدنيوية فضلا عن مصالحها الأخروية ولا يمكن للعبد أن يكمل وأن يكون عبدا لله إلا إذا اتبع طريق المرسلين ولذلك أهل الكتاب والملاحدة لما اتبعوا عقولهم كانوا أخس خلق الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله إنهم أسفل سافلين إذ اتبعوا عقولهم وأهواءهم ولا يكمل العبد ولا يكون ربانيا صالحا إلا إذا اتبع طريق الرسل فهذا هو الذي قرره الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الباب ومعنى إيه L'être humain, il ne peut pas être complet. Il ne peut pas arriver à connaître Allah avec sa raison seulement. Hein? Car les raisons sont limitées. Le cerveau humain, il est limité, il a ses limites. La raison humaine n'arrive même pas à connaître son bien dans ce bas monde. Hein? Comment veux-tu qu'il connaisse le bien de l'au-delà? Hein? Et le serviteur, l'être humain ne peut pas être complet que s'il est serviteur et soumis à Allah Azza wa Jal. Il ne peut arriver à ça que s'il suit le chemin des messagers alayhi salatu salam. C'est pour ça que les gens du livre, ainsi que les athées, les laïcs et autres, etc., quand ils ont suivi leur raison, ils sont au plus bas degré. Même si tu les vois, toi, au niveau du progrès, et du matériel, ils sont là. Mais regarde ce que dit Allah, Azza wa Jal. Et nous l'avons rendu au plus bas degré, sauf ceux qui ont cru. Elle est la parole d'Allah, Azza wa Jal. Dans surat Sittin. وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا Exception à ceux qui ont cru. Hein? Et par Allah, ils sont au plus bas degré. Pourquoi? Car ils ont suivi leur raison. Ils ont suivi leur passion. Et les serviteurs d'Allah ne sauraient être complets, être bons. Hein? Il y a un bon éducateur, il y a un homme du bien, sauf s'il suit la voie du messager alayhi salatu wassalam. Donc, dans ce passage, en quelque sorte, Cheikh est en train de nous montrer comme quoi le bien ne peut être que dans le suivi des messagers alayhi salatu wassalam. فالحاصل ان من رضي وتابع هو الهالك فمثلا تاتي عالم او داعيه يجوز هذه المنكرات يسال عن البنوك الربويه يقول لا باس فيه الربا ضروره اقتصاديه وعالميه لا حرج ليس هناك شيء يسأل عن الحكم بغير ما أنزل الله يقول ليس فيها شيء الحكم بالقوانين الوضعية ضرورة عصرية ولا بد منها لتنظيم القضاء إلى غير ذلك من المسوغات كلام فارغ يأتي به لتجويز الحكم بغير ما أنزل الله يسأل عن وسائل الإعلام السينما المسرح وما يعرف بالعفن يقول لهم الفن ولكن في الحقيقة هو العفن يقول هذا يا أخي ليش لا شيء فيه أتمثل الآن نسألك أتمثل المرأة يجيب لا أرى قصة بدون امرأة أترضى هذا لأمك أترضاه لابنتك أترضاه لزوجتك أترضى أن ترى أنت امرأتك أو زوجتك أو بنتك في أحضان البطل يقبلها ويلاعبها ويداعبها ويغازلها ترضى هذا له لا قصة بدون امرأة يقول الأفلام والمسلسلات وهذه القوانين كل هذه لا بأس بها هذا رضي وتاب، أليس كذلك؟ فهذا الذي هو الذي يأتم وهو الذي يلام، ليس الذي كره بقلبه، ليس الذي عرف وتبرأ، ولكن من رضي وتاب هذا هو الهالك. عندنا celui qui agrée qui suit c'est celui-là qui perd. Celui qui voit le mal, il agrée ce mal et il suit les gens dans ce mal. Il leur donne les autorisations pour ce mal. Prends par exemple un savant ou un daïa qui, toute forme de mal qui aille de blâmable, il l'autorise. Viens le voir, tu lui poses la question sur les banques. Utilise le riba, pas de problème. Riba, c'est une nécessité économique. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gêne. Hein? Il pose des questions sur le fait de juger avec autre que les lois d'Allah. Azza wa Jal, il dit il n'y a pas de mal, car le fait de juger avec les lois inventées par l'homme est une nécessité de la modernité. Et il est obligatoire de l'utiliser pour organiser. Hein? Ainsi de suite. Il te ramène des causes pour autoriser des choses, des causes qui n'en sont pas. Des paroles vides, de tout sens et de toute preuve. Pose la question sur les médias, cinéma. Hein? Pas de problème. Théâtre, pas de problème. Ce qu'on... Hein? Les arts, pas de problème. Ah, il n'y a pas de mal de ça. Ou sur le cinéma. Est-ce que la femme peut, hein, tourner dans un film? Il te répond comme ça. J'allais dire que les musulmans portent cette hada dans l'un de ces numéros. Je ne vois pas une histoire sans une... Comment on dit avec... Sans une actrice femme. Comment on dit avec l'actrice principale? Hein? Sans une héroïne. Regarde le nom déjà, héroïne. Ça fait rappeler à la blanche, à ce qui détruit l'être humain. Héroïne. Subhanallah. Ben maintenant, on te pose la question. Puisque tu ne vois pas d'histoire sans femme, sans héroïne féminine, est-ce que tu veux que ta femme soit dans les bras de quelqu'un? Puisque l'histoire veut que ce quelqu'un lui fasse des câlins. Ce quelqu'un la drague. Hein? Se promène avec dans les jardins. Hein? Etc. Et si tu le veux pour ta femme, est-ce que tu le voudrais pour ta mère? Est-ce que tu le veux pour ta soeur? Hein? Ta tante? Subhanallah. Parce qu'il ne voit pas de films sans, d'histoire sans héroïne. Voilà son héroïne. Et les films, il n'y a pas de problème. Des séries, il n'y a pas de problème. Ces chaînes où... Hein? Où il y a le... Il n'y a pas de problème. Celui-là, il a agréé, il suit. Il donne les autorisations. Ben, c'est celui-là qui va vers sa perte. Ce silhouette qui tombe dans le péché, c'est lui. Il donne les autorisations, il voit. Hein? La chanson, Allah est bon, il aime ce qui est bon. Hein? Oui, Allah il est bon. Il aime ce qui est bon. Mais ça, c'est pas sa place, Yahya l'Islam. Ce n'est pas sa place. Hein? Allah le Musta'an. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما قاموا الصلاة فيكم ما قاموا فيكم الصلاة أي ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Et voici un autre hadith que Cheikh Najmi ici dit, Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez, et ceux qui vous aiment, ceux pour qui vous faites dua, et eux aussi, ils vous font des dua. Et les pires de vos imams, ce sont ceux que vous détestez, et eux aussi, ils vous détestent. Et vous les maudissez, ils vous maudissent. Cela te dit, ça te montre qu'il y a un certain échange entre les deux parties. Hein? De l'autre côté, vous leur faites dua, ils vous font dua, les meilleurs. Et de l'autre côté, vous les détestez, ils vous détestent. Et vous les maudissez aussi, ils vous maudissent. Et le compagnon dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit au prophète alayhi salam, est-ce qu'on ne les combat pas, ya Rasulallah? Il a dit non, vous ne les combattez pas. Tant qu'ils accomplissent la prière. Tant qu'ils accomplissent la prière. Et il dit alayhi salam, celui qui est sous le gouvernorat d'un gouverneur, sous la tutelle d'un gouverneur, il voit que son gouverneur commet des péchés ou des désobéissances à Allah Azzawajal, qu'il déteste l'acte qu'il fait. Déteste l'acte qu'il fait. Hein? Et ne désobéit pas au gouverneur. Déteste ce que fait le gouverneur comme mal, mais tu ne lui désobéis pas. Ça, c'est le conseil de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وفي حديث عبادة بن الصامت اللي دو صحيح مسلم ها وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله في برهان في المنشط تسمع وتطيع وانت ناش ولا انت كار اسمع وطيع ها لقد يا كنت مسرى ولا مزيرة اسمع وأطيع خادو وما عطاوكش الحقوق ديالك اسمع وأطيع ولا تنازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا ومن يرى هذا الكفر البواح ليس أنت ولا أنا أهل العلم أهل البصيرة أهل الدين ها المجتهدون من الأمة ليس لك هذا الأمر ولا لي لذا سمع ها من البزاوز ديولة ها في بروكسل لا يحسنون حتى العربية قال لك شروط التكفير ارا فيان سيت موا دابور شروط الصلاه عاد شروط التكفير وتي فانتا hier on était en cours ya ils appellent sur un salon les droits du takfir le petit jeune que vous avez là là le musta'an. Qu'est-ce que tu veux? Si tu n'as pas de pideur, fais ce que tu veux et dis ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te juger pour ce que tu dis. Hein? Dans le hadith de Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé, c'est un hadith de muslim, nous a appelé et nous lui avons fait l'allégeance. Il a pris sur nous, parmi les points sur lesquels il a pris l'allégeance sur nous, c'est d'écouter et d'obéir. À qui? À notre gouverneur. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Que nous soyons réjouis ou attristés, peu importe, on obéit. Et qu'on obéisse au moment de l'aisance et au moment des difficultés. Et même s'ils ont, ils se sont réservés les fortunes, ils ne nous ont rien donné. Et qu'ils nous ont lésés sur nos droits, on obéit. Et qu'on ne les combat pas pour leur poste. Hein? Sauf si vous voyez, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, sauf si vous voyez une mécréance claire, vous avez pour cette mécréance un jugement clair, une preuve claire, min Allah Azza wa Jal. Mais ça, akhal Islam, il t'appartient ni à toi ni à moi de le faire, aux hommes de science de le faire. C'est à eux de voir est-ce que c'est une mécréance claire ou pas. Et c'est à eux de décréter ce qui est bon pour la communauté. Mais toi et moi, nous devons rester à notre place. Pas comme ces petits avec lesquels nous sommes éprouvés maintenant. Hein? Au fin fond de la ville de Bruxelles, il nous dit les conditions pour rendre mécréant. Ah, récite-moi les conditions de la prière d'abord. Hein? Le biaba de la langue arabe, il l'a pas. Le droit de rendre mécréant. Ce droit, il est à Allah, Azza wa Jal. Tu sais ce que c'est? Tu es en train de jouer sur un terrain très dangereux. Rendre quelqu'un mécréant, ce n'est pas quelque chose de facile. Et les hommes de science ne rendent pas des gens mécréants comme ça. Tu dois rester à ta place. Parce que demain, Allah subhanahu wa ta'ala te posera des questions. Et tu es en train de remplir les enfants, les jeunes de cette communauté d'ambiguïté et de leur donner l'audace à transgresser leurs limites. Crains Allah, Azza wa Jal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut suivre ses passions, on veut la place pour la place, on veut la chaise et le mnombar pour la chaise et le mnombar, ben on arrive à ce stade-là. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكتلون فقالوا فما تأمرون قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. Et donc, le hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, rapporté aussi par l'imam Muslim, il le relève directement au prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Banu Israël, ce que les dirigeaient, c'était les prophètes alayhi salatu wassalam. Et chaque fois qu'un prophète meurt, c'est un autre prophète qui le remplace. Et Rasoul sallallahu alayhi wasallam dit, il n'y a plus de prophète après moi. Il n'y a plus de prophète après Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais derrière moi, il va y avoir des khulafa. Des gouverneurs. Et peut-être, ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont faire peut-être certaines choses, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète, alayhi salam, ou n'ont rien à voir avec les ordres d'Allah, azza wa jal, etc. Ils ont dit, ah, Rasulullah, si c'est la situation est comme ça, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Il a dit, soyez dignes de l'allégeance que vous avez fait au premier. Soyez dignes de l'allégeance, c'est-à-dire restez sous la tutelle de celui que à qui vous avez donné votre allégeance, le premier, toujours le premier et après celui que, le premier. Il faut rester sous sa tutelle, il faut respecter l'allégeance qu'on lui a fait. Et donnez-leur leurs droits. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser des questions sur leur sujet, est-ce qu'ils ont accompli leur devoir vis-à-vis de leur sujet ou pas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va leur poser des questions. Ce n'est ni à moi ni à toi. Donnez-leur leurs droits. Il fait partie de leurs droits de ne pas les dénigrer, de ne pas divulguer, soi-disant, les fautes dans lesquelles ils sont tombés. Ces fautes, il y a. Et on ne dit pas qu'ils sont épargnés de l'erreur, loin de là. Mais il fait partie d'un des droits principaux, c'est de ne pas parler en mal sur eux. Que ce soit eux ou là les savants. On va arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. On se retrouve, Inch'Allah, après salat العشاء. Yeah.